9h30, je me lève, sans savoir où mes rêves m'ont porté dans la nuit. 9h30, c'est l'hiver, d'un dimanche sans repère, suis-je encore dans la vie? Ma conscience me déroute, plus très sûre de la route sur laquelle je crois être. 10h30, c'est l'enfer, dans un monde parallèle, la fiction de ma vie. J'ouvre un œil sur le vide, absorbant le splendide, et je meurs à mon cœur. Échoué sur le bord de ta vie, je m'endors. Je m'arrache à la mienne, me déchire de la tienne, sans regret ni espoir, plus de toi, plus des mois. Tes jours nouveaux deviennent ma longue nuit diluvienne. Dans ma mort tu renais, de ton cœur je m'extrais. Je m'extrais. 9h30, au fond du cendrier, mes volutes de pensée. 12h30, je m'efforce de trouver une amorce pour faire partie du monde. Tout s'est passé trop vite, faut que je prenne la fuite, faire semblant d'être en vie. Un regain d'énergie, un élan de survie qui s'ébranle comme un rien. Mes pensées s'enchevêtrent, un poison me pénètre, me reste que l'abandon. Naufragé de ton corps, j'ai perdu nos accords. Et tes mers se déchaînent, ma bouée qui m'entraîne dans des bas-fonds austères, si loin de mes prières. Je suis saoul de vin, mais suis ivre de rien, pas même de ton retour, il n'y a plus de détour. Au parcours. Quinze heures trente, je m'en vais de l'appart endeuillé, aller où, n'importe où. Mes pensées me poursuivent, mon esprit récidive, tant besoin d'une réponse. Dans le temps qui s'agite, sentiment qui s'effrite, la voilà la réponse. Même nous n'avons su voir s'immiscer l'intrus dans le bleu de nos cieux. 10 belles saisons dissoutes à jamais dans la soute des amours desséchés. Tout le jour est un soir, une lumière illusoire. Tous les jours sont dimanches, un estuaire d'avalanche. Maintenant que ton cœur est sourd à mon bonheur, je m'en vais aux abois, riche et pauvre à la fois. Minute trente, je m'allonge et la nuit me prolonge.